Jean Bosco, Douiman. Bonjour et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 31 août 2017. Voici les grands titres de cette édition. Les députés souhaitent que le gouvernement produise des contre-rapports quand des organisations internationales de défense des droits de l'homme publient ce que certains considèrent comme étant de nature à ternir l'image du Burundi. Ils l'ont dit ce mercredi au ministre de la Justice et celui en charge des droits de l'homme qui était invité pour des questions orales. Une embuscade armée tendue à Dongiwurasira, commune Mugamba, la nuit dernière, a coûté la vie à une personne. La police à Bururi dit avoir commencé ses enquêtes et encore sans vie dans certains Manirakis Atanas de la colline Mwanda, en commune et province Bubanza, a été retrouvé ce mercredi dans un champ de manioc. Et l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, OLUCOM, s'inscrit en faux contre la collecte des cotisations initiée par le gouvernement en vue de préparer les élections de 2020. Gabriel Rufiri propose que le financement de ces élections passe par la loi budgétaire. Et 2 millions de personnes ont entamé ce mercredi le grand pèlerinage à la Mecque. Plus de 160 nationalités se côtoient pendant le rite du Hajj, dont 46% de femmes. Il y a 2 ans, une gigantesque bousculade avait fait près de 2300 morts lors de ce pèlerinage à la Mecque. Et dans le reportage de ce jeudi, à la fin du journal, nous irons en province Cibitoke. Là-bas, les habitants de Rukana 1 précisément demandent la protection des eaux thermales menacées par les eaux de la rivière Rukwa voisine. Voilà pour le sommaire ce journal mis en onde par Jean Dodieu d'Aïsenk. Captez Isanganilo, écoutez la différence. La production des contre-rapports sur la situation des droits de l'homme au Burundi pourrait établir la vérité sur ce qui se passe réellement au pays. C'est le souhait des députés qui avaient invité les ministres de la Justice et des Droits de l'Homme dans une séance de questions orales et débats. Les inquiétudes de ces députés étaient basées sur le fait que les enquêtes faites par les instances habilitées du pays ne donnent presque pas les résultats, ce que les deux ministres réfutent catégoriquement. Francine Deokugayo était à l'Assemblée nationale hier. Voici son reportage. Les questions à ces deux ministres, celui de la justice et celui des droits de l'homme, étaient centrées principalement sur les rapports des organisations internationales sur la situation des droits de l'homme au Burundi, qui, selon eux, ne cesse de ternir l'image du pays. Certains députés ont voulu savoir pourquoi les instances du pays ne rendent pas compte des résultats des enquêtes déjà entamées pour donner la lumière à ce qui se dit. On entend parler des corps sans vie trouvés dans telle rivière, des grenades lancées ici et là, et des gens tués et d'autres blessés. Et on entend dire des enquêtes, mais en vain. Mais par contre, ces soi-disant rapports en parlent. Alors qu'est-ce qui manque pour que ces enquêtes entamées puissent terminer afin d'en savoir les résultats? Il y a longtemps, et surtout depuis 2015, on parle de tels rapports auxquels ces associations qui défendent les droits de l'homme au niveau mondial publient. Ma question est celle-ci. Depuis cette année-là, à nos jours, qu'est-ce que vous avez fait justement pour démentir ces gens qui ternissent l'image de notre pays afin de prouver que tout ce qui est dit n'est pas totalement vrai? Ces gens qui disparaissent, dont on parle dans les médias, est-ce que les leurs peuvent affirmer que le droit humain est respecté? Pour le cas de Nassano, est-ce que sa famille peut témoigner que la paix règne au Burundi? Si on demandait à la famille de Jean Bigirimana, à celle de Nirandekura Eric, celle de Sugwavu Salvatore Domusenyi, est-ce qu'on peut dire que ces gens sont encore vivants? Mais pourtant, la CNDH l'a publié dans ses rapports. Je ne sais pas si les ministres n'en reçoivent pas les copies. Le ministre Martin Nivyabandi, ayant les droits de l'homme dans ses attributions, a indiqué que les contre-rapports sont déjà là et que le gouvernement du Burundi ne nie pas l'existence des cas de violation des droits de l'homme. C'est peut-être dû à nos habitudes d'écouter que de lire. Le rapport contre rapport est détaillé point par point. Allez voir sur le site de la présidence de la République du Burundi. Ça fait près d'une année qu'il est sur ce site. Je pense que toute personne qui se trouve dans les institutions devrait s'informer, ne fût-ce que consulter s'il n'y a pas un nouveau décret. C'est en français et en anglais. On n'est pas dans la logique de la négation. Les faits sont têtus. Ce que nous détestons, c'est que quand il y a un cadavre sur la route, à la seconde qui suit, l'on connaît déjà l'auteur. à la seconde qui suit, ugachumenya uwabikoze. Au cours de cette séance de questions orales de ce mercredi, les députés ont confirmé que certaines interventions des députés ont démontré que parmi eux, il y en a qui livrent ces fausses informations à ces enquêteurs ou experts internationaux. Tugenda twumviriza ibigenda bivugwa hano. Abantu bagenda baza kuvuga ya ma rapport atariyo, ya majambo atariyo bari hano mu namashinga mateka. Ari wabyivuga ati none aho biva ntimuhumva. Twahumvise. Merci Francine Ndihokougayo pour ce reportage à l'Assemblée nationale. On y est, on y reste. Il a été adopté ce jeudi à l'Assemblée nationale. Une commission d'enquête et de vérification du rapport produit sur le Burundi par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme, composée de 12 membres. Cette commission a un mandat de 3 mois à partir de septembre prochain pour présenter son rapport. Cette commission a été adoptée à l'unanimité par 86 députés réunis en séance plénière. Et 10 projets de loi ont été analysés et adoptés par l'Assemblée nationale lors de la session ordinaire du mois de juin. Parmi ces projets de loi figurent le projet de loi portant mission, composition, organisation et fonctionnement du Conseil national de l'unité nationale et la réconciliation, le projet de loi portant mission, composition, organisation et fonctionnement de l'Observatoire national de la prévention et l'éradication du génocide, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. C'est le président de la Chambre basse du Parlement, honorable Pascal Nyabenda, qui l'a dit aujourd'hui, jeudi, lors de la clôture des activités de la session ordinaire de juin. Isanganiro, la radio de l'avenir. Ouvrons la rubrique sécurité par cette embuscade armée qui a emporté la vie d'une personne tendue à Dongi Burasira en commune de Mugamba la nuit dernière. La police à Bururi confirme l'information et dit que les enquêtes ont déjà commencé pour tenter d'identifier et traduire en justice les auteurs de ce crime. Jean-Pierre Misago pour les détails. Selon Cyprien Nibona, chef de zone Muramba, en commune Mugamba, Niokwizera Gaspard, un commerçant de vaches, a été tué, fusillé vers 21h30 de ce mercredi à environ 200 mètres du cabaret de la sous-colline Gahagaze, d'où il est rentré. C'est là, en effet, où il avait fait escale en étanchant sa soif après le marché de vaches d'Otora où il avait été vendre une vache. Ce chef de zone dit avoir constaté que les assassins ont fouillé les poches du défunt et lui ont volé même son téléphone portable, laissant un porte-monnaie avec 260 550 francs burundais qui leur aurait échappé probablement par précipitation. Au niveau du commissariat de police à Bururi, l'on informe que les enquêtes ont déjà commencé pour tenter de retracer les circonstances de la mort de ce commerçant et arrêter et traduire en justice les coupables. Il s'agit là d'un acte criminel isolé, mais la sécurité dans cette commune a été rétablie, dit le commissaire provincial de police à Bururi. Deux personnes travaillant dans ce cabaret ont été arrêtées pour un début d'enquête selon des sources sur place à Dongé Burasira. Jean-Pierre Misago depuis Bururi, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago est encore sans vie dans certains Manila Kizatanas de la colline Mwanda en commune et province de Bubanza. A été retrouvé ce mercredi dans un champ de manioc. La famille de la victime indique que cet homme était parti de chez lui le soir de mardi et il n'est plus rentré. C'est ce mercredi que son corps a été retrouvé à quelques 2 km de chez lui. Les habitants de Mwanda indiquent que Athanase Manirakis a été connu comme voleur et qu'il était souvent emprisonné pour cette infraction. Selon le chef de colline, il y a 3 mois, cet homme avait été libéré par la grâce présidentielle. La police dit avoir déjà commencé les enquêtes pour déterminer les circonstances de sa mort. Et des coups de feu ont été entendus cette nuit vers 21h en commune Kirimba de la province Ngozi. Des sources policières indiquent que ces coups ont été tirés par des policiers qui tentaient de réarrêter un certain Romuald de Sindaïgaya, évadé du cachot de la police judiciaire de Kirimba il y a un mois. Cet homme accusé d'escroquerie a fini par se volatiliser. Il est 13h05 à Bujumbura. L'évêque de l'église anglicane dans le diocèse de Matana indique que la stigmatisation des victimes des violences basées sur le genre est une nouvelle forme de discrimination faite à l'endroit de ces personnes. Seth Ndayirukiye invite toute personne à être proche de ces victimes pour qu'elles ne restent pas à l'écart de la communauté. Ce leader religieux l'a fait savoir ce jeudi au cours d'un atelier de sensibilisation contre les violences basées sur le genre. Suivez Monseigneur Seth Ndayirukiye. À partir de ce qui a été déjà fait dans cette lutte contre les violences basées sur le genre, on a réalisé qu'il y a une autre forme de violence appelée la stigmatisation, où les survivants ou ces personnes-là qui sont victimes de ces violences sont stigmatisées. Elles ne sont pas encouragées ou comprises, elles sont rejetées. On a déjà formé sur 5 centres. Chaque centre, on a formé 36 personnes. Ces personnes peuvent être retrouvées dans le diocèse de Matana et dans le diocèse de Rutana nouvellement créé. Quel comportement doit adopter la population burundaise pour lutter contre ces violences basées sur le genre? C'est un comportement d'entraide mutuelle, d'encourager ces personnes qui ont subi ces formes de violence. Et même en tant que chrétien, nous avons une responsabilité de prier que le Seigneur Jésus-Christ, que ce fléau soit détruit. C'est un péché qui nécessite une puissance spirituelle. Voilà, c'était Monseigneur Seth Ndayirukiye du diocèse de Matana à l'église anglicane. Je vous l'avais dit, l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, Olicom, s'inscrit en faux contre la collecte des cotisations initiée par le gouvernement en vue de préparer des élections de 2020. Gabriel Ouftiri propose que le financement de ces élections passe par la loi budgétaire. Suivez Gabriel Ouftiri. L'ORICOM voudrait informer à l'opinion, tant nationale qu'internationale, qu'il n'y a que deux voies de demande d'argent à la population. La première voie se trouve dans la Constitution, article 159.5-3, qui dispose que les impôts et taxes sont du domaine de la loi. C'est-à-dire pour qu'il y ait de la taxe ou un impôt, il doit y avoir une loi d'abord qui passe par le Conseil des ministres, l'Assemblée nationale, le Sénat et après la promulgation par le président de la République, ce qui n'est pas le cas pour le moment. La deuxième voie, c'est qu'il y a de la contribution nationale quand il y a eu de la catastrophe naturelle, ce qui n'est pas le cas pour le moment parce que les élections ne sont pas de la catastrophe naturelle. Par contre, l'ORICOM a proposé des solutions qui sont possibles. Donc, le gouvernement du Burundi élabore une loi budgétaire chaque année. C'est dans cette loi qu'il faut créer une rubrique qui sera intitulée « Élection 2020 ». Je ne vois pas comment le gouvernement ne peut pas utiliser cette voie-là. Mais faire une contribution comme ça, alors que, comme vous le savez, le Burundi est un pays pauvre, le revenu de la population burundaise, donc le revenu par habitant, est très faible. Donc, ça serait vraiment une façon de renforcer le coût d'appel de la population qui ne sait pas sur quel pied danser aujourd'hui. Il y a un événement qui ne doit pas être absent ou ignoré, c'est l'élection de 2020, mais il y a aussi des élections qui ont été suspendues. Est-ce que pour le moment, si une telle mesure intervient, ça serait outre la loi ou bien ça serait une façon d'éviter une crise institutionnelle? L'ORICOM, quand il donne une critique, il donne une critique constructive et il donne une proposition. L'ORICOM ne critique jamais sans donner une solution. Donc la solution, la première que nous venons de donner qui est légale, c'est de faire une rubrique au niveau de la loi budgétaire. Ça, c'est officiel, c'est autorisé. La deuxième, accélérer le processus de dialogue. Pour nous, les partenaires du Burundi qui ont suspendu les aides, le gouvernement sait pourquoi. Donc, le gouvernement ne peut pas ignorer ça. Il faut qu'il fasse vite le dialogue et comme ça, les partenaires du Burundi vont débloquer les aides qui ont été bloquées. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. En actualité internationale, avant le reportage, pas de trace de l'opposante Diane Rwigara, Diane Shima Rwigara, qui avait tenté en vain de se présenter à l'élection présidentielle du 4 août au Rwanda. semble avoir disparu. Elle est l'une des critiques les plus virulentes du président rwandais Paul Kagame. La police rwandaise dit avoir perquisitionné le domicile de sa famille hier soir à Kigali pour des accusations de fraude fiscale, mais assure qu'elle n'a pas été arrêtée. Selon plusieurs sources, des hommes armés habillés en civil ont encerclé le domicile de l'opposante pendant toute la nuit avant de procéder à la perquisition mercredi matin. Depuis, plus de nouvelles de l'opposante et de trois membres de sa famille. Ses amis et sa famille se disent inquiets. Seule femme candidate à la présidentielle au Rwanda, Diane Shima Rwigara, a été disqualifiée au mois de juillet. La commission électorale l'a accusée d'avoir falsifié des signatures pour participer au scrutin. Et 2 millions de personnes ont entamé ce mercredi le grand pèlerinage à la Mecque. Un parcours en plusieurs étapes qui se déroule au cœur de la première ville sainte de l'islam. Et dans ses environs, plus de 160 nationalités se côtoient pendant le rite du Hajj, dont 46% de femmes. Les autorités saoudiennes affirment avoir mobilisé d'importants moyens pour parer à toute éventualité. Il y a 2 ans, une gigantesque bousculade avait fait près de 2300 morts lors de ce pèlerinage à la Mecque. L'Arabie saoudite a été visée par des attaques du groupe État islamique au cours des 2 derniers rassemblements. Et plus de 100 000 membres des forces de sécurité saoudiennes ont été mobilisés cette année. Le moment fort du Hajj aura lieu ce jeudi avec l'ascension du mont Arafat pour une journée de prière et d'invocation. Avec une dépense moyenne par pèlerin estimée à 4 000 euros, le Hajj est pour l'Arabie saoudite la deuxième source de revenus du pays après le pétrole. On parle sport, cyclisme avant le reportage. 28 cyclistes de la communauté de l'Afrique de l'Est sont arrivés au Burundi depuis mardi. Parmi ces cyclistes, on compte un Burundais. Ils ont commencé le tour de l'EAC le 1er août à Busia, en Ouganda. Ils sont déjà passés en Tanzanie et au Kenya et s'apprêtent à quitter le Burundi pour le Rwanda. Dans un point de presse de ce jeudi, au ministère de l'EAC, John Bosco Balongo, le chef du groupe, a indiqué que partout où il passe, il répand des messages de paix et d'unité. On l'écoute, il est traduit par Joseph Sabiyabandi. All together we say, one people, one destiny. That is what we believe in. And this is what makes us. That is why we are riding all together. Tous ensemble, nous disons, un peuple, une même destinée. C'est cela que nous défendons. C'est cela qui nous pousse à organiser des tours de cyclisme, non pas comme des individus en Kenya et en Ouganda, mais comme des citoyens de l'EAC. Notre objectif est de faire en sorte que l'intégration régionale soit une réalité. Nous utilisons nos vélos pour parler à différentes personnes, pour répandre des messages de paix et d'unité. Nous donnons différents messages, car chaque année, nous avons un thème. Nous utilisons le cyclisme pour dire au monde entier qu'ensemble nous sommes forts. Nous utilisons nos vélos pour écrire notre histoire. Si vous consultez l'Internet, on dit beaucoup sur le Burundi qu'il y a la guerre. On dit même que si un Rwandais arrive au Burundi, il est directement tué. Mais nous avons 3 Rwandais au sein de notre groupe. Donc, il y a beaucoup qui se dit. Nous utilisons nos vélos pour lancer des messages et écrire notre propre histoire. 3 Rwandais on the road and we don't even fear to introduce them. In internet it is said. So there is a lot said. So we want to write our own. À la source, reportage. Les habitants de Rukana 1, commune Rugombo de la province Cibitoke, demandent la protection du site des eaux thermales se trouvant près de la rivière Ruhwa. C'est dans le but d'éviter qu'elle soit envahie par cette dernière. Ils affirment en effet que la Ruhwa, cette rivière qui sépare le Burundi et le Rwanda du côté de Cibitoke, est une menace pour ses eaux du moment qu'elle a beaucoup plus de force par rapport à l'eau thermale. C'est un reportage de Léon Spitalio. Le site des eaux thermales de Ruhwa est tout près de la rivière qui porte son nom, à savoir Ruhwa. En aval se trouve un étang, une rencontre de ces eaux thermales qui servait de lieu où les gens se baignaient dans le temps, selon Élisée Nsengiyumva, un des gardiens du site. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Car la rivière n'avait pas encore envahi et sali ses eaux, les gens s'y baignent. Mais actuellement, ce n'est plus le cas. On ne s'y baigne plus. Élise Nsengiyumva et Oscar Nyonguru expriment leur inquiétude que la rivière Ruhwa risque d'envahir les eaux thermales pendant la saison pluvieuse de par sa force et de demander que les berges soient protégées, sinon les eaux thermales n'en seraient plus. Ça peut arriver car on voit de l'eau thermale qui sort déjà de la rivière. On sent de la chaleur en se baignant dans la Ruhwa. Donc l'eau thermale risque de disparaître. Et deviendrait simplement l'eau de Ruhwa. Ces habitants affirment toutefois que les eaux thermales de Ruhwa aident à soigner certaines maladies, protéger le site contribuerait aussi à attirer les touristes qui viennent à compte-gouttes actuellement. Nous accueillons les touristes 3 à 4 fois le mois. Le site n'étant pas convenablement aménagé. Mais j'ose croire que si ce site était bien fait, l'affluence des touristes augmenterait. Cette richesse qu'est l'eau thermale aide à soigner les maladies. C'est notamment le rhumatisme. Ça aide même à se protéger contre les malédictions. Même si on a manqué de filles avec qui se marier, on peut en avoir une. Pour sa part, le chef d'antenne à l'Office burundais pour la protection de l'environnement à Cibitoke, Fidèle Nzigamiye, renseigne que la société Getra avait fait son travail d'aménager le site où se trouvent les eaux thermales, mais l'OBPU non plus n'a pas à croiser les bras. On envisage de stabiliser les berges de la rivière Ruhwa tout en plantant les roseraires, sont constituées par effectivement les roseaux et les autres arbres qui fixent le sol. Bon, il faut le faire, on va progressivement planter à partir de l'amont jusqu'à même là où se trouvent les eaux thermales. Fidèle Nzigamiye affirme que la protection des eaux thermales est une nécessité. Il faut éviter qu'elles se mélangent avec la rivière Ruhwa qui est commune entre le Burundi et le Rwanda voisin. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Merci à Jean de Dieu, Ndaïsenga pour la mise en onde au micro. Jean Bosco, Ndouimana, nous souhaitons de passer un très bon après-midi à l'écoute de nos programmes.